toi je décrocherai la lune, j'irai chercher fortune, une fortune. Je serai prêt à n'importe quoi, ouh. N'écoute pas ce qu'on dit de moi, ce que disent les autres ne compte pas. Ils déblatèrent n'importe quoi, a fait disparaître tes préjugés. Et les filles comme toi ne s'arrêtent pas à ça. Oh, ne s'arrête pas à ça. Pour toi je décrocherai la lune, j'irai chercher fortune. Oh fortune, je serai prêt à n'importe quoi, n'importe quoi. Celle je jouerai monstre la nuit, tu m'as guéri de ces nanas pulpeuses à guicheuses quelquefois. Fais disparaître tes préjugés, les filles comme toi ne s'arrête pas à ça. Non, pas à ça. Oh, so. Maintenant que je suis avec toi, seul avec toi, voilà que je te suis partout, accroché à ton cou. Tu occupes toutes mes pensées, et quelles pensées, tu m'as envoûté. Ton parfum a fait disparaître tes préjugés. Fille comme toi ne s'arrête pas à ça. Comme toi, ne s'arrête pas ça. Non, non, non. Fais disparaître tes préjugés. Les filles comme toi, ne s'arrête pas ça.